à tous d'être venus ici. Je me réjouis de voir que le personnage d'Arsène Lupin suscite encore autant d'intérêt. C'est un personnage qui m'est effectivement éminemment cher. Aujourd'hui, je m'occupe plus de ça. Je travaille essentiellement sur le roman contemporain pour adolescents et jeunes adultes. Mais c'est un personnage qui a bercé mon enfance. Quand j'étais petit, je devais aller tous les étés chez mes grands-parents pendant 2 mois. Mes grands-parents, ils étaient trop vieux pour m'occuper de moi, donc ils me laissaient avec leurs livres, et il y avait un seul livre, il y avait l'intégrale des œuvres d'Arsène Lupin. Donc pendant 10 ans, pendant 2 mois durant, j'ai lu et relu encore les œuvres d'Arsène Lupin. C'est le texte de la littérature mondiale que je connais le mieux. Je le connais par cœur, je l'ai incrusté dans mes gènes. Et c'est un texte qui a tellement compté pour moi que j'ai même quitté la Sorbonne pour lui, parce que je voulais faire ma première maîtrise sur Arsène Lupin, et la Sorbonne, vous ne pensez pas, on travaille sur des objets sérieux. Donc je suis allé à Nanterre, où évidemment on s'intéressait aux romans populaires, ça allait bien. Donc c'est effectivement un auteur qui a forgé mon imaginaire, qui appartient à mon imaginaire collectif. Je pense qu'il appartient au vôtre aussi, consciemment ou inconsciemment. Tout simplement parce qu'à mes yeux, il appartient à l'imaginaire collectif universel. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui. En m'appuyant sur un texte lu, je vous en demande pardon, c'est ce qui me garantit de ne pas dire trop de bêtises, qui me permet aussi de vous présenter une pensée un peu plus soutenue. Et pour vous remercier de la patience que vous aurez en écoutant, je vais vous montrer quand même des images. Le principe de réalité est par nature ce qui échappe à la fiction, ce qui lui résiste, ce qui la contraint. Bref, ce monde qui se distingue des autres mondes, ceux de la représentation, du songe et de l'imaginaire, à qui il oppose un bloc irréfragable de matérialité, d'opacité et même souvent de noirceur. Mais il arrive parfois que la rêverie soit si forte, si dense et à ce point chargée de fantaisie, qu'elle parvient contre toute vraisemblance à lutter contre l'inébranlable objectivité des choses. Elle surgit du fond de la matière, scintille et l'illumine. Elle prend corps au cœur même du réel, où elle impose, au nez et à la barbe de la rationalité, la toute-puissance de l'imagination. De ces épiphanies surprenantes, par la grâce desquelles notre réalité s'éclaire ainsi de la lumière des mythes, Arsène Lupin est sans doute l'une des illustrations les plus emblématiques. On témoigne à l'envi cette formidable excroissance de pierre que la vision scientifique s'obstine à circonscrire par ses mesures rationnelles, mais dont nos regards de rêveurs et d'éternels enfants savent bien qu'elle restera à jamais transfigurée par l'éclat du grand aventurier. D'où l'envie de se pencher plus longuement sur ce personnage hors norme, né presque par hasard sous la plume d'un romancier qui pensait juste y consacrer une ou deux nouvelles, mais qui, au fil d'une production romanesque couvrant presque un demi-siècle, est devenu au fil des récits l'une des figures les plus stupéfiantes de l'imaginaire collectif universel. Oui, j'ai bien dit « universel », et ce n'est pas le moindre des paradoxes qu'un personnage aussi historiquement et socialement daté, après tout c'était un dandy de la belle époque, ait pu traverser les époques et les frontières pour se tailler une célébrité pérenne à l'échelle planétaire. À cet égard, il suffit, pour mesurer la renommée de la geste lupinienne, de faire le compte de toutes les déclinaisons qui en ont été proposées au fil du temps. Un nombre considérable de rééditions en librairie, avec leur lot de traductions en langue étrangère, je l'ai même trouvé en Turquie, en thaïlandais. Et puis très vite, la consécration par le petit écran et une série gravée dans les mémoires. La gloire, avec de nombreuses adaptations radiophoniques, télévisées et cinématographiques. La dernière en date, en 2004. Une dizaine de numéros spéciaux de revues. Quelques fanzines. Plusieurs associations, avec sites internet dédiés. Une bonne vingtaine d'ouvrages de chercheurs. Quantité impressionnante de mémoires de recherche. Et puis, bien sûr, une centaine de réécritures par 70 écrivains différents. Des adaptations pour la jeunesse, une grosse cinquantaine de versions en bande dessinée. Et tenez-vous bien, un jeu vidéo, un GPS et même une application pour smartphone. Cette réputation flatteuse lui aura en outre valu de se tailler un franc succès jusque dans la culture japonaise. Pourtant, peu incline à valoriser en interne les productions de la vieille Europe, mais qui aura largement ouvert ses portes au gentleman cambrioleur en l'accueillant dans ses mangas, animés et autres cosplays. Elle lui aura enfin permis de laisser une trace jusqu'en dans les méthodes de langue, les sociétés de surveillance, les séminaires de gestion des ressources humaines ou encore les industries du luxe, comme si le parfum de ce romanesque-là était si puissant qu'il devait marquer de ses effluves les entreprises les plus contemporaines. Un tel succès n'est pas sans poser question. Comment expliquer d'abord qu'un auteur peinant à se faire un nom avec ses nouvelles psychologiques ou ses romans sentimentaux ait pu d'un seul coup exploser avec une invention, le faisant passer d'un relatif anonymat à une notoriété éclatante? Comment expliquer ensuite que des générations successives de créateurs, de lecteurs et de spectateurs et puis éprouver un tel besoin de communier dans une semblable lupinomanie? Comment justifier enfin que ce personnage improbable, pétri de mélanges et de contradictions, cambrioleur et détective, aventurier et séducteur, tantôt anarchiste, tantôt bourgeois, se soit frayé un chemin dans le théâtre d'ombre des grands héros mythiques, nonobstant des caractéristiques identitaires qui le vouaient plutôt aux gravures de mode du temps jadis? Alors il existe bien sûr plusieurs façons de comprendre les raisons d'un succès littéraire. La première, la plus spontanée, la plus enfantine, et probablement la plus convaincante étant, bien sûr, de lire et de relire une œuvre en se laissant happer par la magie d'histoires assez captivantes pour tenir en haleine des générations de lecteurs. Pour ceux de l'assistance qui auraient la chance de pouvoir découvrir encore le fabuleux destin d'Arsène Lupin, il suffit de suivre le déroulement des récits dans l'ordre de leur publication. Pour les autres, je rappelle qu'on peut aussi prolonger l'aventure en recomposant la vie de son héros au fil chronologique de ses exploits. Je le signale parce qu'il est assez rare qu'un protagoniste de fiction déborde à ce point le cadre romanesque pour qu'on lui consacre des biographies et autres récits de vie, preuve s'il en est du caractère exceptionnel du personnage en question. Une seconde façon, plus littéraire cette fois, d'expliquer la portée de ses romans serait de les analyser en tant qu'écriture, en s'efforçant de mettre au jour les procédés narratifs et autres figures esthétiques qui en font la richesse et l'efficacité. Je ne vous parlerai pas beaucoup de Maurice Leblanc en tant qu'écrivain. Non pas qu'il n'en soit pas un, tout au contraire, c'en est même un très talentueux, comme en témoigne notamment un remarquable savoir-faire dans la construction de scénarios complexes, ou le brio avec lequel il s'effondre les styles. La passion du roman sentimental, la nervosité du roman d'aventure et la verve gouailleuse du vaudeville de boulevard. Et de fait, les romans fourmillent en intrigues haletantes, en coup de théâtre parfaitement géré, le tout sans être dupe des poncifs du feuilleton, dont se moque volontiers de fréquentes mises en abîme facétieuses. Leblanc peut même, à l'occasion, se révéler le plus surprenant des innovateurs. C'est le cas dans la toute première apparition du personnage, dans une nouvelle de 1905, où une enquête policière menée sur un paquebot transatlantique révèle in fine que le coupable était le narrateur, bien avant Hercule Poirot. Et on découvre en somme que l'écrivain vous a mené en bateau, c'est le cas de le dire, anticipant d'un demi-siècle l'ère du soupçon revendiqué par les nouveaux romanciers et mettant à mal par une scandaleuse pirouette narrative le principe de confiance qui structurait jusqu'alors le pacte romanesque. Mais ce n'est pas la voie que j'ai choisie, préférant me concentrer sur la créature plutôt que sur le créateur, avec cette hypothèse qu'on tient avec Lupin un personnage tellement hors norme qu'il est capable de s'échapper du cadre restreint de la littérature d'aventure avec la même facilité qu'il s'évadait des geôles de la santé. Ce n'est pas pour rien que Maurice Leblanc s'est plu, toute sa vie durant, à entretenir l'idée qu'il avait été débordé par un être imaginaire si puissant qu'il s'était, pour ainsi dire, emparé de lui. Je cite Maurice Leblanc. Presque en dehors de moi, ce démon d'Arsène Lupin a pris ma plume. Je ne peux plus m'en débarrasser. Il s'assied à mon bureau en même temps que moi. Je suis devenu son ombre, je lui obéis. C'est dur, il me suit partout. Il n'est pas mon ombre, je suis son ombre. Je laisserai aux analystes le soin de démêler ce qui, dans ses aveux confondants, relève de l'emprise mystique, de la pathologie clinique ou de la mystification littéraire. Je note en revanche que de la naissance du personnage jusqu'à la mort du romancier, persiste une aura de manipulation et de mystère qui participe intrinsèquement de l'attractivité d'un univers placé sous les auspices de la sidération. Cambrioleur par définition et par essence, Arsène Lupin n'est pas seulement le pickpocket qui dévalise bourses et banques, comme le chantera Dutronc pour le générique du célébrissime feuilleton télévisé, il est aussi le voleur qui s'empare de nos valeurs. Valeurs morales, valeurs esthétiques, valeurs politiques et même métaphysiques. Il est donc par excellence le héros de la possession et de la dépossession, étant parvenu à fracturer le coffre-fort de l'inconscient collectif jusqu'à s'y tailler une place de choix. C'est à ce coup de force que j'aimerais tenter de rendre justice, en essayant de mesurer la place qu'il tient dans notre imaginaire, autant que la part qu'il occupe encore aujourd'hui dans notre réalité. Alors s'il est périlleux, surtout en 45 minutes, de prétendre expliquer les processus complexes au gré desquels une créature imaginaire entre durablement dans la mémoire partagée, du moins est-il loisible d'en proposer quelques explications possibles. C'est ce que je me propose de faire avec vous, en risquant ici 6 hypothèses, ni exhaustives, ni exclusives, mais dont la conjugaison me paraît de nature à esquisser quelques éléments d'éclairage à cette déroutante énigme. Alors à ce stade, je dois être honnête avec vous. Les hypothèses que je vais vous proposer, en m'appuyant sur une lecture attentive des romans de Maurice Leblanc, risquent de vous paraître pour le moins étonnantes, pour ne pas dire exagérées. Mais peut-on faire autrement lorsqu'on s'attaque à un personnage d'une telle envergure? Comme le rappelle l'un des nombreux clins d'œil de l'œuvre, l'hypothèse valait la réalité prodigieuse qui avait non Lupin. Avec cet homme-là, devait-on chercher en dehors de l'énorme, de l'exagéré, du surhumain? Et donc, mon hypothèse énorme, ou mes 6 éléments de réponse exagérés, à la question « Pourquoi Lupin est-il si populaire par-delà les époques et les aires géoculturelles ?» Mes réponses, parce que ses aventures sont aussi des grilles de lecture, historiques, sociologiques, psychanalytiques, philosophiques, théologiques et anthropologiques. Grille qui aide à comprendre le monde et à s'y déplacer. Tout se passe en fait comme si l'univers lupinien fonctionnait comme une extension du regard, vision de substitution, prisme à travers lequel appréhender autrement le réel, bref des instruments à la fois optiques et herméneutiques, à travers lesquels des générations successives ont pu et pourront se regarder et se comprendre au regard des grandes questions de personnes, de société et de civilisation. Premier prisme de lecture possible, historique. Il tient à la capacité du personnage Lupin à endosser sur ses épaules le devenir de la nation. Je précise pour monsieur la nation française. On constate en effet que l'itinéraire du héros épouse au plus près les évolutions de la société française, dont il joue certitude et interrogation à la façon d'un miroir fidèle de la vie de son temps. Comme il le dit lui-même, « toute ma vie est là », c'est-à-dire toute l'histoire contemporaine. Ainsi, le Lupin première époque, prime sautier, pétri de joie de vivre, est-il représentatif des convictions de la belle époque? S'il croise ici ou là certains soubresauts liés par exemple à la spéculation boursière, au scandale de Panama dans le bouchon de cristal, c'est pour mieux affirmer en contre-coup une énergie débordante qui fait toute la vitalité du personnage et lui permet à ce titre d'illustrer l'esprit d'une société placée sous les auspices de la confiance en l'avenir et de la foi dans le progrès. Avec la guerre qui pointe, puis se déclare, le personnage devient plus patriote, voire revanchard, et même cocardier lorsqu'il se mesure d'égal à égal avec le Kaiser allemand ou qu'il mène à la victoire les troupes françaises en Mauritanie. Lupin rejoue alors la double montée en puissance d'un nationalisme et d'un colonialisme exacerbé par l'ambiguïté de l'entre-deux-guerres, écartelé entre l'exubérance des années folles et le choc de la Grande Dépression. Les intrigues se font plus complexes, les aventures tournent plus volontiers au tragique, ainsi dans l'enchaînement de 813, du Triangle d'Or ou de l'île aux 30 cercueils, ou l'irruption d'un fantastique quasi gothique, témoigne bien du doute croissant qui pèse alors sur la France. La dernière phase installe une sorte d'équilibre entre énergie et angoisse, Lupin passant plus systématiquement du côté du bien pour contrecarrer les exactions de ses adversaires. Solveur d'énigmes, défenseur des opprimés, surtout les opprimés ES, il incarne la propension du temps à appeler de ses voeux l'homme providentiel qui protégera la nation des puissances maléfiques à l'œuvre de l'autre côté des frontières. Il serait toutefois réducteur de faire de notre héros une simple illustration en temps réel de l'histoire en train de se faire. Il en est tributaire, c'est sûr, mais il sait aussi la maîtriser en tournant à son profit la temporalité de la mémoire collective. Car la grande majorité de ses exploits ne se contente pas de relayer en écho les bruits de fond de l'actualité, elle s'ancre en profondeur sur des lieux, des figures ou des épisodes qui ont marqué à leur façon l'histoire de France. De la Gaule romaine à l'Empire colonial, en passant par les abbayes médiévales, les hôtels particuliers du Marais ou les lieux-dits du Royaume de France, l'espace-temps des romans renoue avec la géographie symbolique et la chronologie mythique autour desquels s'est construite l'identité collective du pays. Ainsi, la petite histoire, celle de la transmission narrative, s'enracine dans la grande, celle de la mémoire collective, et parfois même dans l'intemporalité cosmique. Le grand gagnant de cette fusion par surimposition est évidemment le personnage de Lupin. À force de croiser à chacune de ses aventures la grande aventure de l'histoire, le cambrioleur finit par s'approprier pour son propre compte la densité historique et le patrimoine culturel. Aussi peut-il, à juste titre, revendiquer une place légitime dans le panthéon des figures devenues légendaires. Sur les murs, au-dessus des uns des autres, les uns au-dessus des autres, ces mots étaient gravés. César, Charlemagne, Rolle, Guillaume le Conquérant, Richard, roi d'Angleterre, Louis le XIe, François, Henri IV, Louis XIV, Arsène Lupin. Qui s'inscrira désormais, reprit-il, hélas, la liste est close, de César à Lupin. Et puis, c'est tout. Le coup de génie de Leblanc, c'est d'avoir deviné, près d'un demi-siècle avant l'école des Annales, l'un des mécanismes symboliques autour desquels la Troisième République a achevé d'asseoir l'identité nationale que des familles de rois avaient commencé de tracer au fil des siècles. Cette clé de pouvoir, autant que de mémoire, c'est le paradigme de la transmission, qui sous-tend à la fois la généalogie du politique et la continuité de la conscience collective. S'il y a du vivre ensemble hexagonal, c'est parce qu'il existerait, par-delà les clivages géographiques et sociologiques, un fil conducteur spatio-temporel qui triompherait des différences en en garantissant l'unité millénaire. Or, en s'appropriant ce fil au gré de ses exploits, qui emmène de Vercingétorix jusqu'à François Hollande, le cambrioleur parvient à s'immiscer dans l'espace-temps de la mémoire partagée, comme s'il était chez lui, en pays d'historiographie, comme s'il était de la même famille que tous ses grands ancêtres. En s'inscrivant au cœur même de la filiation rêvée, Arsène Lupin endosse une fonction simo-collectif. Il assume, au fond, une mission identitaire qui garantit la cohérence et la cohésion de la nation. Si cette lecture historique permet de mieux comprendre l'impact du grand aventurier à l'intérieur de l'Hexagone, elle ne suffit cependant pas à prendre la mesure de son aura à l'échelle planétaire. Et c'est pourquoi il faut envisager d'autres lectures complémentaires qui puissent éclairer l'étendue de la fascination qu'il exerce. On se tournera d'abord du côté de la sociologie, qui semble s'imposer d'elle-même au regard de l'oxymore fondateur qui institue notre héros en véritable paradoxe social. Le gentleman cambrioleur, c'est bien en effet celui qui refuse de se laisser enfermer dans une étiquette exclusive et qui entend au contraire tester d'autres identités, fussent-elles antagonistes. Comme l'ont remarqué nombre de commentateurs, Lupin réactualise en cela un ensemble de figures, réelles ou fictives, ayant joué un rôle similaire par le passé. Le brigand au grand cœur, tel Mandrin en cartouche, le malfaiteur aux prétentions d'homme du monde, façon Lassner, le voleur militant, théoricien de ses forfaits, à la Marius Jacob, ou encore le forçat repenti devenu chef de police, selon l'exemple des Vidocq, Vautrin et autres Vaches. Mais autant notre cambrioleur peut être tenu pour l'héritier de cette longue série, autant on aurait tort de l'y réduire. En y voyant un énième avatar des allées et venues entre justice et pègre, Lupin ne se contente pas de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Ce n'est pas simplement un rôle ou son contraire qu'il se plaît à incarner, mais plutôt l'extrême diversité des professions possibles. On témoigne à cet égard une liste de métiers à faire tourner la tête, allant du contrebandier au juge d'instruction, en passant par le paysan, le commis de course, le clerc de notaire, le légionnaire, le travailleur social ou le professeur de savates. Cette malléabilité structurelle lui confère une fonction politique plus complexe que ne le veut la tradition, qui se plaît en général à l'inscrire dans une chaîne de pensée libertaire, dont il est certes en partie le descendant, non sans donner voix au chapitre à d'autres visions du monde qu'il perpétue tout autant. Car notre collectionneur de cartes de visite, les cartes de visite qui sont exposées dans la maison de Maurice Leblanc, aux noms les plus excentriques, se révèle un boulimique des positions statutaires, gravissant à son aise tous les degrés de l'échelle sociale. Des bas-fonds de la roture jusqu'aux antichambres des grandes Europes, en passant par les pas-de-porte de petite industrie ou les hôtels particuliers du Paris huppé. Ici, homme du monde, perpétuant les rites et traditions liées à l'idéal aristocratique. Là, anarchiste convaincu, parti en guerre contre la société. Tantôt redresseur de tort, passionné justice sociale. Tantôt petit bourgeois, agrippé à ses privilèges. À la bonne heure, Lupin, vous parlez comme un bon bourgeois. Mais qu'est-ce que je suis donc? Si j'ai sur la propriété d'autrui des idées un peu spéciales, je vous jure que ça change de tout au tout quand il s'agit de ma propriété à moi. J'ai l'âme d'un conservateur, cher ami, les instincts d'un petit rentier, et le respect de toutes les traditions et toutes les autorités. Le jeu consiste en fait à faire passer le héros par toutes les cases de l'appareil sociétal, à la façon d'un acteur à qui on aurait demandé d'endosser à lui seul tous les rôles d'une même comédie humaine. Lupin n'est donc ni un rouage, ni un alliage de pièces, ni même un équilibre instable de mécanismes en interaction. Il cristallise à lui seul l'ensemble de la société. À ce titre, on pourrait dire qu'il assure une fonction de catalyseur, en regroupant dans sa seule personne les différentes composantes de cette lutte des classes théorisée un peu plus tôt par Karl Marx, exploitée en France par Jaurès dans un mémorable discours de 1900, 5 ans avant la première apparition de notre héros. Je ne veux pas dire par là qu'il faille faire de Arsène Lupin un instrument conscient de la sensibilité de son créateur, même si Maurice Leblanc était effectivement de tendance radicale socialiste. Mais plutôt et plus généralement, qu'on ne saurait oblitérer le fait que l'œuvre tout entière se déploie sur fond de tensions idéologiques majeures, par-delà les querelles politiciennes. Vu sous cette perspective, Lupin ne représenterait pas une position sociale parmi d'autres, le capital ou le prolétariat, mais bien la totalité des positions possibles, la possession des biens autant que leur circulation. L'objectif étant précisément de condenser en une seule figure un mouvement dialectique trop complexe pour être amené à une hypothétique linéarité chronologique. À cette aune, Lupin, Arsène Lupin serait au fond le fait social absolu, celui qui regroupe en lui-même la pluralité de tous les autres, sans se réduire à aucun, et qui offre ainsi à l'analyse sociologique un prisme de lecture exemplaire, parce que global, à travers lequel mettre en évidence l'agencement subtil et paradoxal des représentations et des comportements à l'échelle des individus, comme des collectivités. Toutefois, le génie de Lupin est de ne jamais se laisser enfermer dans une identité exclusive, ni partant comme dans une seule identité. Il est comme le furet, déjà là-bas, alors qu'on le croit encore ici. À peine pense-t-on en avoir fait un disciple de Marx, qu'on s'avise qu'il pourrait bien être aussi un héritier de Freud. Autrement dit, qu'il conviendrait à tout le moins d'envisager aussi les méandres de sa personnalité à l'aune d'enjeux psychologiques, pour ne pas dire psychanalytiques. J'irai un peu plus vite sur cet aspect qui a été abondamment commenté par d'autres, non sans raison d'ailleurs. Les manifestations symboliques sont dans cette œuvre si prégnantes que le roman prend parfois des aspects de répertoire idéal regroupant les figures obligées de la construction de soi. On pourra, par exemple, relire la trajectoire du personnage comme une sorte de vaste mise en scène des étapes au travers desquelles se structure la vie psychique. Individuation par voie de consolidation narcissique. Les lecteurs ici de Lupin savent qu'il raffole des tirades lyriques où il auto-célèbre l'exclusivité de son propre destin. Autonomisation par dépassement de l'Œdipe. Rappelons que le jeune Lupin a été élevé par sa mère à la suite de la séparation de ses parents, et que son premier métier consiste, comme par hasard, à reprendre celui de son père. Enfin, consolidation d'une structure fantasmatique capable de gérer les pulsions de désir, d'une sexualité assumée, Don Juan ou Casanova, au déploiement de la volonté de puissance, roi du monde et maître de l'univers. On aurait beau jeu de prolonger l'exercice en risquant une analyse de son créateur, les indices ne manquant pas, pour mettre en lumière le besoin du romancier de compenser sa relation délicate avec son milieu d'origine par une généalogie réinventée, Freud aurait dit un roman familial, plus conforme à ses aspirations. En tout état de cause, il nous reste une œuvre saturée d'indices, devant laquelle il ne faut pas s'étonner que frétillent les psychanalystes, tant elle semble avoir été dessinée pour représenter à coup d'aventure et de motifs narratifs les rouages de l'esprit humain. Emblématique à cet égard la figure clé de l'aiguille creuse, qui fonctionne comme la célébrissime métaphore de l'iceberg, dont elle devance les intuitions, au dehors une apparence de concrétude, de solidité et d'objectivation, au dedans une enveloppe poreuse, traversée de part en part par les fulgurances de la psyché, et descendant profondément sous terre, puisée aux sources vives de l'inconscient. Remarquons à ce stade de notre analyse que les deux lectures qui viennent d'être proposées, sociologique et psychanalytique, correspondent justement à deux approches scientifiques en plein développement au moment où Maurice Leblanc a conçu puis déployé son univers. De là à considérer que la fiction constitue un champ de réverbération rêvé pour des disciplines encore en gestation, il n'y a qu'un pas que je m'empresserai de franchir. Pour moi, une des plus grandes des réussites de cette œuvre, c'est justement d'avoir su prendre le pouls des représentations collectives, de cette mise à l'écoute des problématiques de son temps, d'en épouser les questionnements et les incertitudes, et d'avoir su enfin proposer non seulement un miroir des interrogations d'alors, mais aussi des ébauches de réponses suffisamment riches pour dépasser la spécificité de leur époque et offrir aux générations futures un socle de réflexion toujours d'actualité. D'où mon envie de pousser plus loin mes hypothèses, en nous demandant cette fois si la trajectoire de cet individu, décidément incomparable, ne serait pas aussi l'occasion de régler leur compte à d'autres domaines du savoir ou de la foi. Je pense en l'occurrence à la philosophie et à la théologie, avec le postulat que l'univers lupinien en propose une sorte de visite guidée, un voyage au pays de la connaissance ou bien de la croyance, une méditation métaphysique en somme, sous les deux modalités que la pensée occidentale en a données, à savoir la recherche de la vérité d'une part et la quête de la transcendance d'autre part. Recherche de la vérité, d'abord. Il n'est pas anodin de se rappeler qu'en ce début du XXe siècle, une certaine tradition spéculative est en train de battre de l'aile, et que la période pendant laquelle Leblanc va déployer les aventures de Lupin est aussi le moment où l'histoire de la philosophie occidentale est sur le point de basculer. Cette tradition, qui va en gros de Platon à Hegel, c'est la métaphysique occidentale, c'est-à-dire cette façon de prendre la mesure du réel par le biais des concepts, avec pour corrélat la recherche d'une méthodologie intellectuelle capable d'assurer la conformité de l'entendement avec la réalité. Fragilisée par le positivisme d'un Comte ou les coups de boutoir d'un Nietzsche, cette recherche d'une vérité transcendantale, dans le monde des idées ou de la raison, s'apprête à céder le pas à d'autres façons d'appréhender le monde. Travail sur le vivant, par exemple, avec le vitalisme de Bergson, ou bien sur l'être, avec l'ontologie de Heidegger. Autant dire que la question de la méthode au sens de Descartes ou Malebranche est en passe d'être reléguée au second plan. D'où la nécessité d'en assurer la pérennisation dans la mémoire collective, autrement dit d'en conserver une trace, ou mieux, une version de remplacement. C'est là qu'intervient le prince des tours de passe-passe. Expert en substitution de diamants, de tabous ou de titres, Arsène Lupin est idéalement placé pour se substituer à cette métaphysique de la vérité, dont il va d'abord rappeler l'historique avant d'en proposer des dépassements possibles. De fait, vivant la quasi-totalité de ses aventures comme autant d'enquêtes dans lesquelles il lui faut résoudre un mystère, et partant mettre en œuvre une méthode d'investigation capable de démêler le vrai du faux, Arsène Lupin va dérouler devant nous toute l'histoire de la philosophie classique, dont il serait au fond le dernier maillon. N'ayant, hélas, pas le temps pendant ces 45 minutes de faire une relecture de l'ensemble de la métaphysique occidentale à travers l'œuvre de Maurice Leblanc, je vais prendre juste un seul exemple avec vous, en montrant comment l'univers lupinien rejoue le monde socratique, dans l'une des premières tentatives de la métaphysique occidentale, pour tenter de penser le clivage entre apparence et vérité. Comme chez Platon, les choses chez Maurice Leblanc ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Le réel s'offre sur le mode de l'apparence et de la duplicité. Toute demeure est par nature mystérieuse, derrière les murs des passages secrets, sous les dalles des souterrains cachés. Bref, tout n'est qu'illusion, et la fiction devient l'incarnation de la caverne platonicienne, où des prisonniers sont contraints de contempler des ombres plutôt que le réel. Cet emprisonnement peut être bien sûr symbolique, comme dans le premier récit des 8 coups de l'horloge, qui présente une jeune femme contrainte par la loi à vivre en recluse dans un manoir de province où la seule chose à faire consiste à regarder les flammes dans la cheminée. Le travail du héros consistera alors à se défaire des apparences trompeuses pour atteindre le point névralgique où tout s'éclairera sous un jour nouveau. Lupin pousse la jeune femme à escalader une tour, du haut de laquelle elle va pour la première fois appréhender autrement la vie de couple qu'elle imaginait jusqu'alors sur un mode mensonger. Bref, il va lui assurer l'indépendance de pensée en la libérant du règne de l'illusion, en changeant son mode de vision et en lui permettant de dissocier le vrai du faux. Le parallèle est si fort que les mêmes termes reviennent dans les deux œuvres. Chez Platon, c'est lorsqu'on a frotté l'un contre l'autre les perceptions de la vue et impressions des sens que sur l'objet étudié vient luire la lumière de la sagesse. Chez Leblanc, du choc des contrastes, on pouvait faire jaillir une étincelle, il suffisait de vouloir pour que les ténèbres s'emplissent de lumière. On comprend donc que les aventures de Lupin fonctionnent à la façon d'une anthologie de la philosophie classique, rejouant tour à tour un des grands moments de l'histoire de la pensée. On pourrait par exemple retrouver la méthode cartésienne dans la partie de Vaccara, ou dans l'aiguille creuse la démarche kantienne de recherche de la vérité. De même encore, Maurice Leblanc emboîte-t-il le pas à la critique nietzschéenne de la culture occidentale, dont il... Maurice Leblanc qui a les mêmes moustaches que Nietzsche, ça ne vous a pas échappé, dont il balaie les certitudes en lui opposant l'énergie du surhomme et le dynamisme du gai savoir. Ce lien est d'ailleurs si fort qu'on a souvent l'impression, en lisant Nietzsche, que ce dernier appelait de ses voeux la venue du héros imaginé 5 ans après sa mort. Ainsi, par exemple, dans cet éloge à Dionysos, où chaque mot de Nietzsche semble parler de Lupin. Le grand mystérieux, tentateur et charmeur des rats de conscience, dont la voix sait envahir jusqu'au souterrain des âmes, qui ne dit pas un mot, ne lance pas un regard qui ne contienne une intention de séduire, qui a l'art de savoir paraître, non tel qu'il est, mais tel qu'il faut être. Le génie du cœur qui devine les trésors cachés, baguette magique qui révèle le moindre grain d'or enfoui dans la boue et le sable. Toute l'œuvre de Maurice Leblanc est contenue dans cette citation. Mais l'apport du gentleman philosophe, comme ce sont plus à le désigner François-Georges ou André Comte-Sponville, ne se borne pas à dresser un éloge funèbre de la métaphysique qui se meurt, il est aussi de montrer la voie à de nouveaux développements possibles. François-Georges, là encore, a mis en évidence la filiation subtile qui conduit le phénomène Lupin à la phénoménologie de Husserl. Donc j'y reviens pas, je soulignerai pour ma part la continuité qui relie l'œuvre de Maurice Leblanc à celle de Sartre, dont le romancier normand semble avoir préparé l'existentialisme. Car ce que le philosophe énoncera avec sa célèbre formule « l'existence précède l'essence », l'homme se définit par ses actes et seulement par ses actes, le cambrioleur l'avait déjà affirmé avant lui. Tant mieux si l'on ne peut jamais dire en toute certitude « voici Arsène Lupin », l'essentiel est qu'on dise sans crainte d'erreur « Arsène Lupin a fait cela ». Et les jeunes générations d'aujourd'hui se seront rendus compte avec stupéfaction que J.K. Rowling avait également lu Maurice Leblanc, puisque Lupin avait anticipé avec un siècle d'avance la leçon rappelée par Dumbledore à Harry Potter. Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, Harry, et non nos aptitudes. De la même façon que l'œuvre romanesque de Maurice Leblanc peut sembler une façon originale de rendre hommage à toute une tradition philosophique en voie de disparition, on peut penser également qu'elle occupe une fonction similaire au regard d'une certaine théologie de la transcendance, elle aussi rudement secouée avec le changement de siècle. À cet égard, il ne vous aura pas échappé que le gentleman cambrioleur fait sa toute première apparition en 1905, l'année même où le Concordat sanctionne la séparation de l'Église et de l'État, et renvoie ainsi le sacré à la sphère privée. Le choc est d'une rudesse extrême. Il s'agit ni plus ni moins de minorer la place millénaire de la religion dans l'architecture des sociétés, au risque d'ébranler la place immémoriale du divin dans les représentations du monde. On pourrait alors supposer que l'imaginaire collectif éprouve aussitôt le besoin de se doter d'une figure de substitution, permettant de gérer un aussi brusque effacement en assurant des modalités de transition. C'est en tout cas, à mes yeux, l'une des fonctions assumées par Arsène Lupin, à en juger par la fascination absolue qu'il suscite autour de lui. Chez ses admiratrices et ses affidés d'abord, qui ont pour lui une vénération éperdue. « J'ai en vous une confiance absolue », murmurent les uns après les autres, celles et ceux qui lui vouent une piété religieuse. « Ah, Lupin, Seigneur Dieu, elle croit en Lupin !» Arsène Lupin suscite ainsi une vénération sacrée, et de fait ses adorateurs croient en lui comme le Messie. « Oui, dit-il avec une sorte de piété religieuse, oui, j'ai confiance encore et même en ce moment. » « Vous nous sauverez, murmura-t-elle, j'en suis certaine. Je ne redoute rien, car vous pouvez tout, vous faites des miracles. » Ce que corrobore en fait encore le jeune François dans l'Îlot 30 de Cercueil, qui éprouve envers Lupin une confiance absolue et la certitude qu'en cas de danger, l'intervention miraculeuse se produirait à la minute même où elle serait nécessaire. Ce n'est donc pas un hasard si l'ensemble des interactions avec le grand aventurier déploie une rhétorique mystique. Il s'agit bien de faire confiance les yeux fermés, de croire au miracle, d'accepter que Lupin ressuscite des mille et une morts que ses adversaires croient lui concocter, bref, d'avoir la foi. Il n'est pas jusqu'à ses rivaux qui succombent à ce ménitisme mystique. Témoin son plus vieil ennemi, l'inspecteur Ganimard, qui affirme en toute innocence « C'est quand je ne comprends plus que je suspecte Arsène Lupin. » Saint Augustin l'avait dit avant lui « Credo ut intelligam, je crois » pour mieux comprendre. Autrement dit, c'est ma foi qui fonde ma raison. Dans un monde en manque cruel de spiritualité, où la tentation de l'incrédulité le dispute au besoin de transcendance, Lupin serait au somme le dernier recours pour ne pas perdre le sens du sacré. Qui aura assez de conviction pour les forcer à croire ? Moi, dit-il hardiment, et moi seul le peux. Je me résume avant d'amorcer ma dernière proposition interprétative. Tout se passe comme si les aventures d'Arsène Lupin, historiquement datées dans l'Europe de la première moitié du XXe siècle, remplissaient la charge d'en assurer une médiation culturelle et intellectuelle, en se faisant l'écho de tous les débats d'idées qui traversent une période riche en spéculations de toutes sortes. Il s'agira tantôt de rendre un ultime hommage à des formes de pensée en voie de fragilisation avancée, les métaphysiques de la vérité ou de la transcendance, tantôt d'accompagner la montée en puissance de nouveaux outils herméneutiques, la pensée politique, l'approche sociologique ou la grille de lecture psychanalytique. Je pourrais m'arrêter là. Et ce serait déjà une source de stupéfaction. Qui aurait pu penser qu'un classique du roman populaire, pourrait porter en lui autant de richesses conceptuelles. Il faut pourtant aller encore un brin plus loin, en dézoomant la focale par-delà le seul Occident moderne, de façon à élargir notre spectre de vision à l'histoire culturelle des représentations. Et ce sera, je vous rassure, ma dernière grille de lecture. Difficile, en effet, de ne pas retrouver derrière notre héros pétri d'un trait d'intertextualité des figures bien plus anciennes et parfois millénaires à travers lesquelles les civilisations ont tenté de mettre un visage sur leurs préoccupations, leurs tensions et leurs idéaux. On pourrait ainsi, en remontant les époques et en croisant les aires géoculturelles, retrouver sous la figure lupinienne les grands invariants mythologiques structurant l'imaginaire collectif universel. Le défenseur des faibles, tel Gauvin ou Robin des Bois. Le héros aux mille ruses, Ulysse dans le bassin méditerranéen, Luc le lièvre en Afrique noire, Susanoo au Japon. L'être capable de se métamorphoser indéfiniment, Protée des Grecs, djinn des légendes arabes. Ou encore, et plus généralement, le dieu voleur qui est à la fois un mystificateur, un protecteur et un métamorphe. Le Hermès des Grecs, le Loki des Nordiques ou l'Anansi des Africains. Lupin a donc tout d'un génie ou d'un demi-dieu, et son charisme lui vient tout droit du panthéon antique, des mythologies scandinaves et des mille et une nuits. J'en veux pour exemple ce passage extraordinaire des Dents du Tigre, que je ne résiste pas à vous présenter, où Patrice, sémillant lieutenant représentatif de la modernité entreprenante, renonce à comprendre un mystère qu'il dépasse et se tourne alors vers son compagnon africain, un simple d'esprit muet qui n'a jamais pris la moindre initiative jusque-là. Alors je vous cite l'extrait qui mériterait d'être filmé dans une esthétique expressionniste abusant des contrastes de l'ombre et de la lumière. Le colonialisme pensant qui caractérise l'époque, le simple d'esprit muet s'appelle Yabon, est littéralement transfiguré par l'inversion des rôles qui voit la raison scientifique céder le pas à la lanterne magique des légendes d'autrefois. Ce qu'il faudrait pour débrouiller une pareille affaire, c'est un type exceptionnel et qui réunisse toutes les qualités, enfin un bonhomme comme on n'en voit pas. Patrice s'appuya davantage sur le bras de son compagnon. « Toi qui as de si belles relations, tu n'as pas ça dans ta poche? Un génie? Un demi-dieu ?» Yabon grogna de nouveau, d'un air joyeux, et dégagea son bras. Il portait toujours sur lui une petite lanterne électrique. Il l'alluma et introduisit la poignée entre ses dents. Puis il sortit de son dolman un morceau de craie. Le long de la rue, il y avait un mur recouvert de plâtre, sali et noirci par le temps. Yabon se planta devant ce mur, et lançant le disque de lumière, il se mit à écrire d'une main inhabile, comme si chacune des lettres lui coûtait un effort démesuré, et comme si l'assemblage de ces lettres était le seul qu'il pût jamais réussir à composer et à retenir. Et de la sorte, il écrivit deux mots que Patrice put lire d'un coup. Arsène Lupin. C'est grandiose, ça. Quand j'étais petit, je l'ai reçu 10 000 fois, ce passage-là. Alors, nous resterait alors à comprendre de quelle mythologie majeure ce héros-là nous parle. De quelle symbolique essentielle est porteur par-delà la pluralité de ses significations possibles cet être qui n'existe pas et qui pourtant dispose de toutes les forces surnaturelles. Pour tenter de répondre à cette ultime question, je repartirai de quelques constats de base, énoncés par le héros lui-même ou bien son entourage, en notant de postulats qui me paraissent condenser mieux que d'autres sa spécificité. Premier axiome, je les commenterai après. Axiome 1. Vous présentez ce cas assez original dans notre société moderne de n'avoir point de passé. Nous ne savons qui vous êtes, d'où vous venez, où s'est écoulée votre enfance, bref, rien. Vous jaillissez tout d'un coup, il y a 3 ans, on ne sait au juste de quel milieu, pour vous révéler tout d'un coup, Arsène Lupin. Deuxième axiome, son portrait, comment pourrais-je le faire? 20 fois j'ai vu Arsène Lupin et 20 fois c'est un être différent qui m'est apparu. Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une glace, je ne me reconnais plus. Dernier axiome. Vous êtes Arsène Lupin, n'est-ce pas? Je puis l'être ou ne pas l'être, selon ce que vous désirez. Ça vous rappelle quelque chose? Vous prenez instantanément conscience de l'incroyable scandale déclenché par semblable déclaration? Si oui, c'est que vous avez reconnu dans cette triplette infernale la négation absolue des 3 principes fondamentaux qui structurent la logique classique. À savoir le principe de raison suffisante, qui voudrait que tout phénomène émane d'une cause identifiable, le principe d'identité, qui postule que toute chose est nécessairement identique à elle-même, le principe de non-contradiction, pour qui une proposition P et sa négation non P ne peuvent exister simultanément. Autrement dit, et pour le dire de façon brutale, Lupin sonne le glas de tout l'appareil conceptuel par lequel la pensée occidentale a tenté de circonscrire le réel à coup de rationalité logique et de scientificité. On pourrait même aller plus loin encore, en montrant que cette vertigineuse inversion des valeurs s'étend aux composantes anthropologiques de l'humain. Les structures élémentaires de la parenté, qui définissent un sujet par son appartenance imagère. Le processus d'individuation, par lequel un individu s'affirme et se construit dans sa spécificité. Le principe du tiers exclu, qui refuse la fusion des duels et institue la relation à l'altérité par voie de différenciation. Ici encore, le héros échappe au modèle naturaliste qui définit l'ethnologie classique et renoue avec d'autres modèles alternatifs de relations au réel, anticipant par-delà même sur les travaux les plus contemporains en anthropologie constructiviste. Leblanc avait préparé Descola. On comprend mieux alors la fascination obsédante qu'exerce un héros qui met en danger dans sa personne même tous les principes qui fondent la civilisation occidentale. Lupin, c'est le rebours de la rationalité, logique autant qu'ontologique. L'être qui déjoue la prétention de la pensée à définir l'être. Le sujet qui refuse obstinément de servir d'objet de recherche. Ce n'est pas pour rien que le gentleman cambrioleur a fait disparaître des institutions judiciaires sa fiche anthropométrique pour se soustraire aux lois ordinaires de l'apparence et de l'identité. Aucune case administrative, aucune grille de lecture, aucune classification, fût-elle mendéléenne, ne saurait le figer dans l'instantanéité d'une définition préconçue. Car Lupin, par définition, est précisément celui qui toujours vous file entre les doigts. Tu veux arrêter Arsène Lupin ? Ah, ça c'est comique ! Mais on n'arrête pas Arsène Lupin, mon vieux. Il se serait agi de Denris ou à la rigueur de Jim Barnett. Peut-être, mais Lupin. Voyons, tu n'as pas réfléchi à ce que ça veut dire, Lupin. Lupin est l'inarrêtable d'excellence, l'insaisissable qui refuse de se laisser contraindre dans les catégories inventées par la pensée pour tenter de circonscrire ce qui lui échappe. Et c'est justement, pour n'y avoir pas assez réfléchi, que des lignées d'inspecteurs s'y seront cassées les dents. Mais nous, qui venons de réfléchir ensemble tout au long de cette presque heure durant, sommes-nous désormais capables de nous prononcer sur ce que ça veut dire, Arsène Lupin ? De quel signifié apparemment inaccessible gentleman cambrioleur est-il le signifiant ? Ou pour le dire autrement, de quoi Lupin est-il le nom ? Eh bien précisément, nous venons de le voir, le nom de cet impensable que nous portons tous au-dedans de nous, mais qui nous permet de vivre parce qu'il nous maintient en éveil. Le nom de toutes ces interrogations qui nous évitent la sclérose des certitudes. Le nom de ce qui nous permet de ne pas nous laisser enfermer dans des visions toutes faites ou de nous encrouter dans des statues trop figées. Lupin est ce cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Le furet qu'on croyait ici qui est déjà là-bas. Il est le point aveugle de la pensée logique et politique. Le refus de la sécurité dualiste, comme de la détermination sociale, à qui il oppose le tiers inclus de la pensée quantique et l'hébride de la pensée métissée. Arsène Lupin est le nom du désir absolu. Désir d'ailleurs ou d'autrement. Désir de mouvement perpétuel et de redistribution permanente, avec l'envie farouche d'exister en dehors de tout déterminisme. Il est l'envie de vivre et le sens de toute vie dominée par le rêve. Et c'est pourquoi, in fine, il ne disparaîtra jamais de l'imaginaire collectif. Lui qui, par excellence, incarne la capacité de l'imagination à ne jamais céder aux principes de réalité. Le cycle de ces aventures est donc terminé, selon vous ? Nullement. L'aventure, c'est la vie même d'Arsène Lupin. Il sera toujours le centre et le point d'aboutissement de mille et une aventures. Je m'arrête là, parce que vous allez penser que j'exagère. Et je devine sans peine l'envie qui doit tenailler certains d'entre vous de me dire que je m'emballe. Force me serait de reconnaître que vous n'avez pas tort. Oui, je l'avoue, je m'emballe. Oui, je fais partie des sectateurs du grand aventurier. Oui, je le regarde depuis mon enfance avec les yeux de l'adoration. Et donc, oui, je m'emballe volontiers quand il s'agit de lui. Mais je ne pourrais pas m'empêcher, en guise de conclusion, de vous répondre par les mots mêmes de la doctrine. On ne s'emballe jamais trop quand il s'agit de pareils individus. Tout ce qui dépasse la moyenne vaut qu'on l'admire, et celui-là plane au-dessus de tout.